Audiomatique. Thank you. La transmission 501 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique du projet Theremin Quattro. De son avant-dernier album intitulé Lost Moments, paru en 2018, nous écoutions la composition Decoherence Process. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste anglais Matt Howden d'assurer la continuité à Audiomatique avec son projet Seaben. When we can be incredible, intense, immense, immeasurable. What do I know of anything? When rivers and kindness flow, unmissable, unsayable. This dawning modern age smacks hard, hacks better nature. Has dangerous driver. Can only end one way. I fear for our world, for what we can never replace. Comparable world, balance skewed, astonishing, unending. was obscene. Soldier, build your own tuna sandwich then. So I had a cereal ball in my bloodstained bed instead. There was a soda machine, had a turquoisey sheen shining. Equally as insulting as the tuna sandwich thing. And I had no desire whatsoever in purchasing anything. And the guys were laughing, buying something. We'll be right back. Nous avions droit à Audiomatic, au duo anglais King Anna, de qui nous entendions la chanson Somewhere Near El Paso, extraite de son deuxième et plus récent album Big Swimmer, paru le 31 mai 2024. Précédemment à King Anna, il s'agissait du projet anglais Sea Ben, mené par Matt Howden, et la chanson What Do I Know, tiré de son tout dernier album Brand New Dark Age, qui paraîtra le 16 août 2024. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de l'artiste Steve Roach. Thank you. Audiomatique, cette séquence d'une seule pièce était l'œuvre du compositeur américain Steve Roach. De son album Tomorrow, publié en 2022, nous entendions la pièce Heart Breathe. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec l'artiste pakistano-américaine Aruj Aftab. Thank you. light shine. Wash my own feet at my own shrine. Dance and held all our lifetimes. Sometimes I don't feel safe out here in your arms. No, I don't feel safe, my dear. I fear that sometimes your love's not real. And soon I'll forget what real love feel. Big deal, heart breaks, blood spill. Truth hurts, now that's real. Cutthroat, lie still, leave lifeless. Big business vices, sold to the unreal. Heart price tag, wounds sold separately for scars. They got the recipe, and it stirs sex, lust, and mistrust. Idol worship, and all the disgust. Sometimes I feel like love is above us. Who us? Yes, us. Delusion and paranoid, unloving in search of love. Like, could this be love? Love. C'était à Audiomatique, le groupe français M83, mené par Anthony Gonzalez, de la version deluxe du 9e album de M83 intitulé Fantasy. Nous écoutions le remix qu'a fait la formation française Bruit de la chanson Radar Far Gone. Et pour débuter cette séquence, nous vous avons offert la musique de l'artiste pakistano-américaine Arooj Aftab, de son plus récent album qui s'intitule Night Rain et qui a été lancé le 31 mai 2024. Nous vous avons présenté la chanson Bola Na, à laquelle participe More Mother. Se conclura cette transmission d'Audiomatique sur le remix Club Prehension que nous propose le projet Max M de la pièce Comprehension, originalement composée par le groupe danois In Absentia. Il est possible de trouver ce remix ainsi que la pièce originale sur l'album Absence, paru en 1993. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici, pour terminer, In Absentia et la pièce Comprehension dans sa version Club Prehension par Max M. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.